31. Activation orale, adjectif possessif, personne du singulier et du pluriel. Misanthrope. Transformez selon l'exemple. Vous entendez... 1. Mon frère a une amie anglaise. Et vous dites... Je n'aime pas son amie anglaise. 2. Elle a les lèvres minces. Je n'aime pas ses lèvres minces. 3. Elle a de grandes dents. Je n'aime pas ses grandes dents. 4. Elle a la voix pointue. Je n'aime pas sa voix pointue. 5. Elle a le nez pointu. Je n'aime pas son nez pointu. 6. Elle a un chien policier. Je n'aime pas son chien policier. 7. Ma sœur a un ami anglais. Je n'aime pas son ami anglais. 8. Il a le crâne chauve. Je n'aime pas son crâne chauve. 9. Il a les joues mal rasées. Je n'aime pas ses joues mal rasées. 10. Il a les jambes courtes. Je n'aime pas ses jambes courtes. 11. Il a des enfants. Je n'aime pas ses enfants. 12. Ses enfants ont les cheveux courts. Je n'aime pas leurs cheveux courts. 13. Ils ont les joues rondes et rouges. Je n'aime pas leurs joues rondes et rouges. 14. Ils ont toujours le menton sale. Je n'aime pas leur menton sale. 15. Ils ont l'air moqueurs. Je n'aime pas leur air moqueur.